tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670, boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Dan. Samedi 22 décembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! C'est la chronique de la ligue de la NCAA avec notre ami Wallet du site internet leblitznfl.com. Salut Wallet! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, effectivement, en fin de semaine, c'était plutôt hier, c'était les gens réalisent pas comment que c'est un gros show aux États-Unis. Je voyais sur ESPN hier et ça a même fait la première page pendant un bon bout de temps. Les meilleurs joueurs des écoles secondaires, la plupart choisissent, il y en a gros qui choisissent leur université. Ça se fait devant des caméras de TV. Il y a souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met des casquettes des équipes qui étaient intéressées. Le joueur, finalement, choisit la casquette. C'est comme ça que les gens apprennent pour quelle université que le joueur en question a décidé de jouer. Et hier, ça a été fait sur ESPN. Et encore une fois, je voyais sur ESPN, ceux et celles qui ont gagné selon les experts, c'est encore une fois Alabama. C'est pas surprenant, hein? Non, c'est pas surprenant. Puis pour revenir là, sur le fait que tu disais que c'était tout un spectacle, je pense que on le voit de plus en plus dans le sport en général, que ce soit le repêchage de la NFL. Avant, c'était dans une petite salle, dans un hôtel. Après ça, on a déménagé ça à New York pour faire tout un show. Puis là, c'est on se promène partout dans la NFL, puis ça devient tout un événement. Ben le college football fait un peu la même affaire. Là, on allait chercher des joueurs au niveau secondaire. Là, on fait tout un show. Puis pour votre information, c'est divisé en 3 jours. Hier, c'était la première journée. Puis c'est souvent cette journée-là qui va déterminer qu'est-ce que le reste de la classe va avoir de l'air. Certaines équipes sont allées, je pense à Alabama qui est allé chercher un des bons porteurs de ballon. Ben, les chances de le revoir aller chercher un porteur de ballon plus tard durant les 2 autres journées de recrutement sont un peu minces. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à porter attention à d'autres écoles, peut-être vouloir aller jouer à Auburn ou à Georgia ou à LSU qui sont tous des rivaux de Alabama. Puis juste pour un peu revenir sur ce que tu viens d'expliquer, le classement final de la première journée, tu as Alabama qui est au premier rang, comme tu viens de le mentionner, Georgia qui suit de très très près, par la suite tu as Texas A&M, LSU, Oregon. Dans le top 5, tu as 4 équipes de la SEC. Après ça, Oklahoma, Clemson, Michigan, Texas, puis Penn State. Donc, on voit toujours ça année après année. Là, les grosses équipes, c'est souvent eux qui sont en mesure d'aller chercher les joueurs qu'on classe 5 étoiles. Par contre, il faut se le dire tout de suite, là, c'est pas certain là, que tu deviens une bonne équipe nécessairement en allant chercher des joueurs 5 étoiles. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs là, que j'ai vu sortir du secondaire. Je me rappelle là, quelques années, il y avait deux frères, c'était les Arthur Brown puis Bryce Brown. C'était le premier duo de frères qui était recruté comme 2 joueurs 5 étoiles. Puis les deux gars ont eu des carrières correctes dans la NCAA, puis ils n'ont jamais vraiment percé dans la NFL. Puis l'opposé, tu as des gars comme Baker Mayfield qui sortent du secondaire avec quasiment aucune étoile, ou un gars comme J.J. Watt qui était un joueur de 2 étoiles en sortant du secondaire. Ça se fait recruter par des plus petites écoles, puis J.J. Watt, c'est un des meilleurs joueurs défensifs de notre époque, puis Baker Mayfield est en train de s'installer dans la NFL comme un bon corps arrière. Donc, faut prendre ça avec des pincettes, mais comme tu dis, c'est tout un show, puis c'est une belle journée pour ces joueurs-là là, qui ont la chance de construire leur carrière au niveau universitaire dans le football américain. OK, donc la prochaine journée, c'est quoi? C'est-tu le high school McDonald's après les fêtes? Là, toujours le samedi d'après les fêtes, il y a toujours un match des étoiles, puis là, on en voit encore d'autres joueurs qui sont sélectionnés, c'est-tu là? Oui, puis après ça, t'as une deuxième partie là, qui est au début janvier, puis si je me rappelle bien, la dernière, c'est tout de suite après le Super Bowl. La majorité des équipes dans le college football vont terminer leur saison durant le temps des fêtes, donc ça donne un gros mois aux instructeurs pour aller faire du recrutement, puis la semaine suivant le Super Bowl, quand il n'y a plus vraiment d'action au niveau football, ben là, t'as la dernière journée là, de signature dans la NCAA. OK, donc on va surveiller ça de très, très près. Cette semaine, il y a eu le match que tu parlais, là, les Blazers de UAB qui ont gagné le Boca Raton Bowl. Évidemment, on parle encore une fois des petits bowls. Donc, ils ont battu la formation de Northern Illinois par la marque de 37-13. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ce match-là? Ouais, j'ai regardé du coin de l'œil en faisant d'autres activités. Ouais. C'est une belle victoire là, pour UAB, là, comme j'en parlais la semaine dernière. Là, ils ont une équipe qui vient de revenir dans la NCAA. Ils ont perdu 3 ans. C'est la première fois qu'ils remportent un bowl. Donc, on pouvait voir là, que l'équipe en général était assez émotive. Fait que c'était beau à voir, mais ça reste que c'est un bowl d'avant Noël. Donc, les bowls d'avant Noël sont souvent un peu plus moins intéressants. Là. Il y en avait un qui était pas pire, c'était Fresno State. C'était lui qui était le meilleur, là, effectivement. Est-ce qu'il y a des bowls avant Noël encore qu'il faut surveiller dans les prochaines... Avant Noël, il y a des bons matchs. Si vous avez la chance de tomber sur les matchs, là, je vous dirais quasiment tous les soirs, là, puis même samedi, là, toute la journée, TSN présente la plupart des matchs. Moi, il y en a tout le temps, année après année, qui vient un peu, pas vient me chercher, là, mais que j'aime voir, là, c'est le Famous Idaho Potato Bowl. Mm. Le match est joué sur le fameux terrain bleu de Boise State. Puis cette année, on a une chance d'avoir deux équipes là, qui sont quand même assez intéressantes là, au niveau là, des Broncos de Western Michigan. C'est une équipe qui marque beaucoup de points, surtout au niveau aérien. Puis du côté des Cougars de BYU, c'est une équipe qui est très bonne défensivement. Là. Ils accordent en moyenne 21 points par match. Donc, ces deux unités-là, une contre l'autre, ça devrait être intéressant là, dans ce duel-là. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Wallet, un gros, gros merci. On s'en reparle dans le temps des fêtes pour les matchs du championnat national. Parfait. Voilà, donc Wallet du site Internet, le Blitz NFL.